Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillerons une jeune collègue de l'Institut médico-légal du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Strasbourg, le docteur Christine Kaiser. Christine Kaiser est spécialiste de l'ADN ancien. Alors, vous avez déjà eu, on a déjà eu la visite de quelqu'un qui nous a parlé d'ADN ancien. Et aujourd'hui, entre autres, pas uniquement, mais aujourd'hui, entre autres, Christine Kaiser essaiera de répondre à vos questions. Mais qu'en est-il exactement de ces Néandertaliens et de ces sapiens qui font la une périodiquement de tous les journaux à sensation? Alors, on aura la réponse du moment. Bien. Pour ce qui me concerne, je vais continuer à vous parler des hominidés anciens et pour le moment de ceux du grade Australopithèque. En remontant dans le temps, et dans le temps, on est maintenant avec une forme qui a pour nom Australopithecus gari à 2,5 millions d'années. On est toujours en Éthiopie, on est toujours dans le Middle Awash. C'est une forme qui a été trouvée en bord de lac avec une faune associée, un assemblage faunique d'herbivores paisseurs qui mangent de l'herbe. Vous voyez sur cette image que la face est très prognate. Ce que vous voyez moins bien, c'est que les canines sont puissantes. Cette forme a pour singularité d'être associé à des os qui portent des traces d'incision et de percussion, c'est-à-dire que cette forme est associée à un site de boucherie. C'est clairement un australopithèque. On n'a pas trouvé d'autres hominidés dans le site. Et qui plus est, il y a une industrie lithique, une industrie holdawayenne, d'associer à cet ensemble. Tout semble indiquer que c'est bien cet hominidé qui à la fois est l'auteur de l'industrie lithique et l'auteur des incisions faites sur les os, c'est-à-dire que cet australopithèque mangeait de la viande qu'il était capable de récupérer lui-même. On est à 2,5 millions et vous savez que cette question, est-ce que les australopithèques taillaient ou est-ce que seulement le genre Homo taillait, est toujours une question d'actualité. Le site de Bourri avec Australopithecus gari apporte une première réponse qui va dans le sens, oui, il semble bien que les australopithèques taillaient. Personnellement, je peux vous dire que je ne vois vraiment pas pourquoi les australopithèques n'auraient pas taillé. Et pourquoi n'auraient-ils pas rajouté de viande à leur menu ? Je vous rappellerai à cette fin que on connaît un certain nombre de singes, et pas tous de grands singes, qui utilisent des outils. Mais un certain nombre de grands singes, les grands singes utilisent des outils. Alors il y a une grosse différence, très grosse différence. C'est que quand un chimpanzé utilise un outil pour casser une noix, s'il utilise un galet, il ne taille pas le galet. On ne connaît pas de singes qui taillent. Ils utilisent, mais ils ne taillent pas. Il semble qu'avec Gary, on a sûrement là une réponse relativement claire à cette question. Alors, pourquoi pensait-on que les australopithèques ne taillaient pas ? Il faut dire que la réponse est assez simple. Vous savez bien que durant le 19e siècle et puis une partie du 20e, je vous l'ai dit déjà un certain nombre de fois, on avait fait un podium avec trois marches. Vous savez, tout le monde a vu ça avec la télévision et tous les sports qui se passent. On distribue les médailles d'or, d'argent, de bronze. Et naturellement, dans cette distribution de médailles, on s'était toujours mis sur la plus haute marche. C'était beaucoup plus rassurant. Beaucoup plus. On a commencé finalement à être beaucoup moins rassurés quand les phylogénistes moléculaires ont montré que, ben, entre eux et nous, sur le plan génétique, c'était quoi, entre 1 et 2% de différence. Mais je vous ai dit que là encore, 1 ou 2%, c'est énorme. C'est énorme par certains côtés, par d'autres, ça montre clairement que de telles similitudes, une similitude si importante, implique de manière claire une communauté d'origine. Voilà encore un os long, une diaphyse, où vous voyez les traces de décarnisation. J'insiste sur le fait que dans le site où on a trouvé Gary, vous voyez bien que le nombre d'ossements, de restes fossiles, sur lesquels on voit des traces, des incisions, ce nombre est grand. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a trouvé en Éthiopie, il a été décrit en Éthiopie, un petit morceau d'os sur lequel il y aurait une trace. Ce petit os était associé, récolté en surface d'ailleurs, était associé au reste de Selam. Sûrement vous vous rappelez de Selam, c'est ce jeune australopithèque trouvé en Éthiopie par le collègue docteur Zeresenay, qui est venu ici, d'ailleurs, vous l'avez vu ici. Et ce petit morceau d'os avec une trace d'incision a fait d'ailleurs la couverture de Nature, étant entendu que ces lames sont plus anciennes. On est à 3 millions d'années. Je pense personnellement que s'il n'y a aucun doute pour les traces que je suis en train de vous montrer pour Australopithecus gharri, on reparlera sans doute de cette trace unique rapportée à ces lames. À cet égard, il faut se rappeler que dans tous ces sites, la plupart de ces sites à hominidés sont des sites où vous avez de l'eau qui n'est pas très loin. Et beaucoup de crocodiles. Beaucoup de crocodiles. Et avec leurs dents, les crocodiles laissent sur les os des traces qui sont souvent comparables. Il n'est pas du tout impossible, même vraisemblable. Il y a un Tanzanien qui est en train de préparer un travail autour de ça, que la trace qui a été décrite pour Selam comme étant une trace d'activité préhumaine soit peut-être autre chose. La question est ouverte. Je n'ai pas personnellement de réponse, mais la question est ouverte. Lors de ma dernière visite aux États-Unis, à Berkeley, on m'a montré des traces laissées par des dents de crocodile. C'est la ressemblance est troublante. Affaire à suivre, je n'ai pas de conclusion à vous donné pour le moment. Cet Australopithèque gharri, il faut le mettre où ? Alors, regardez. Vous savez que je suis avec vous dans cette idée, ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir et ce que l'on ne sait pas. Vous avez ici quatre arbres de rapport de parenté qui sont proposés. Le 9, là, c'est celui-là, c'est le genre Homo. Ces trois-là, 6, 7, 8, sont des paranthropes. 5 est l'Australopithecus africanus. Gharri est 4. 3, c'est Afarensis, c'est-à-dire les frères de Lucie. 2, c'est Anamensis. 1 est Rhamidus. Bien, regardez, il y a au moins quelque chose qui est consensuel, c'est que 3, en l'occurrence Afarensis, est à la base de l'arbre. 4. Le suivant, c'est Gharri. Là, c'est une branche qui vient de 3 ou de 7. 7, c'est Australopithecus ethiopicus ou Paranthropus ethiopicus. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une discussion et il n'y a pas là d'accord entre les spécialistes pour un ou deux genres. Il y a des tenants des deux. Donc, 4 dans les deux premiers arbres est issu soit d'Afarensis, soit d'Ethiopicus. Même chose dans les deux cas. Ici, il y a un changement. 4 viendrait de 3 ou 5. 5, c'est Africanus, celui d'Afrique du Sud. C'est cette possibilité-là qui est gardée. Donc, vous avez pour l'origine de 4, 2 hypothèses. Ensuite, sur le devenir de 4, première hypothèse, c'est un rameau qui s'éteint. Deuxième hypothèse, il donne naissance au genre Homo, ce qui est gardé dans la troisième et la quatrième hypothèse. Mais vous voyez, au niveau de ces hypothèses, les écarts énormes. Dans un cas, il s'arrête sans descendance. Dans l'autre cas, la différence est importante. C'est l'ancêtre du genre Homo. Il aurait donné naissance au genre Homo. Je peux continuer. Cinq, c'est Africanus. Vous voyez que Africanus, on le donne comme ancêtre d'Homo, c'est-à-dire que cette hypothèse est complètement contradictoire avec Gary, ancêtre de Homo. Cinq, encore Homo. Mais voyez là, il y a une double hypothèse, c'est Gary ou Africanus. Ici, Africanus est donné comme l'ancêtre de l'Australopithèque robuste. L'Australopithèque robuste, le paranthrope robustus, c'est celui qui a été trouvé, qui est connu en Afrique du Sud. Enfin là, 5, c'est un sans descendance. Si on regarde là maintenant, 7, c'est l'Ethiopicus, c'est-à-dire l'Ethiopicus, c'est la forme qui est considérée, là il y a un certain consensus, comme ancestrale de Paranthropus boisei. Et vous voyez que sur ce schéma, Ethiopicus est l'ancêtre du robuste et du boisei, du robuste d'Afrique du Sud et du boisei d'Afrique orientale. C'est la situation qui est gardée ici. Ici, on admet que boisei et robustus ne partagent pas le même ancêtre. Ethiopicus est l'ancêtre de boisei, tandis que le robuste, c'est l'africanus qui est son ancêtre. Ici, on revient à la situation antérieure où l'Ethiopicus est ancêtre du boisei et du robuste. C'est 4 arbres, s'ils ont quelques points communs, vous montrent, si besoin en était, que nous sommes très, très loin du consensus, mais vraiment très loin. Alors, avant que vous ne posiez la question directement, quels sont les rapports de parenté que personnellement j'aurais plutôt tendance à penser en fonction du matériel qui est connu. De toute manière, je n'ai pas moi non plus de réponse complète. Je ne suis pas autrement choqué par le fait que le robuste, l'Australopithèque robuste d'Afrique orientale et celui d'Afrique du Sud ne partagent pas une origine commune. Ça ne me choque pas outre mesure. Mais je n'ai pas de preuves a priori pour le démontrer. Et le démontrer, si tel est le cas, aura des conséquences absolument énormes sur le plan de la taxonomie. Je me souviens avoir parlé de cela un jour avec Philippe Tobias. Philippe Tobias a été l'élève de Raymond Dart, et Raymond Dart est celui qui a créé l'espèce Africanus et le genre Australopithecus. Et je me souviens de Philippe qui a maintenant plus de 90 ans, me disant un jour, alors qu'il parlait de l'enfant de Tang, j'ai écrit qu'il pourrait éventuellement être l'ancêtre du robuste, de Paranthropus robustus. Et il m'a rajouté immédiatement, ça a créé tellement de remous que je n'ai jamais recommencé. Oui, Africanus est l'espèce type du genre Australopithèque. Si vous la mettez à l'origine des paranthropes et si vous en faites un paranthrope, vous rendez compte. Ça va changer. Alors, il y a aussi, pour éviter ça, des collègues dont je ne fais pas partie, mais je ne prétends pas que mes collègues ont tort. C'est peut-être moi qui ai tort. J'en sais rien. Pour le moment, personne ne sait. On peut éviter ça en appelant, en confondant les deux genres et en appelant toutes les espèces Australopithecus. Ce qui est prudent. Ce qui est prudent. Et à ce moment-là, on lève cette ambiguïté. Mais vous voyez bien tous les problèmes qui se posent et toutes les ambiguïtés qui ne peuvent pas, pour le moment, être levées. Pas possible. Il est imaginable que dans les années qui viennent, mettons, disons, dans la décennie qui vient, quand toutes les pièces dont je vous ai parlé, qui sont à l'heure actuelle en cours de dégagement ou en cours d'étude, quand tout cela sera publié, il est probable qu'on pourra faire une synthèse qui approche de plus près, qui cerne de plus près une certaine réalité biologique. On appréhendra mieux les relations de parenté entre tout le matériel qui sera alors à notre disposition. Pour le moment, dans ces niveaux anciens, les restes à notre disposition sont encore beaucoup trop fragmentaires. Alors, je sais bien que quand je vous dis ça, c'est pas quelque chose que vous aimez entendre. Mais je crois que il faut... C'est comme ça. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables d'appréhender tout cela. Nous ne sommes pas capables de le faire. Alors, vous lirez ici ou là. Des réponses très claires. Personne, pour le moment, n'est en mesure de les donner. Ça ne peut être que des hypothèses. Alors, certes, certaines hypothèses sont plus vraisemblables que d'autres, mais ce sont des hypothèses. Et de ces hypothèses, on peut en faire, vous voyez, de nombreuses. Et il faut bien garder à l'esprit que nous en sommes là pour le moment. Mais nous sommes sur la bonne voie. On va progresser. Mais n'allons pas plus vite que les fossiles que nous trouvons. Attendons de les avoir trouvés avant d'en tirer les conclusions. Il y a des fois, on a l'impression qu'on précède, les conclusions précèdent la découverte des fossiles. Je crois qu'il vaut mieux garder un certain ordre dans les choses. Ah. Pardon, mais c'est ce que je voulais vous montrer cette année, et c'est ça sûrement... un certain côté négatif sur ce que vous imaginiez. Mais c'est aussi pour ça que je voulais le faire. Voilà un problème. Le kényanthrope. Je voudrais... Oui, c'est pas si mal que ça... Vous avez là, en haut et à droite, le type sur lequel cette espèce a été fondée, créée. Vous voyez vous-même dans quel état est le fossile. Ce fossile est une marqueterie de tout petits morceaux d'os qui sont séparés entre eux par de l'argile. Le fossile était rempli d'argile, l'argile a gonflé, ça a éclaté, et au fur et à mesure de humide, sec, humide, sec, tout a éclaté, et vous avez une véritable marqueterie d'os. Ces petits morceaux d'os sont si petits qu'il n'est pas concevable ni possible, même avec les moyens technologiques les plus modernes, de remonter ce crâne pour lui restituer la forme qu'il avait au départ. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que vous voyez bien, un fossile ainsi fait, si vous voulez utiliser ou avoir une idée de sa forme, eh bien, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Parce que, bien évidemment, il est très déformé. Ce qui est dommage, pour ne pas dire plus, c'est que justement, c'est sa forme qui a été utilisée pour en faire une espèce et un genre différents des autres. Je ne suis pas certain qu'il s'agissait là de la meilleure hypothèse ou de la meilleure voie à prendre. Mais c'est celle qui a été retenue. Alors, forcément, après publication, immédiatement, la communauté internationale a réagi. Alors, ça n'a pas été publié. Soyons clairs, hein, ça n'a pas été publié dans une revue confidentielle. Je ne sais pas, à Boulogne-sur-Mer ou je ne sais où. Non, ça a été publié à Nature. Donc, dans une des revues phares ou considérées comme telles par les scientifiques. Ce qui a été retenu comme caractère principal de ce crâne, c'est qu'il ait une face plate. Ce qui a donné son nom d'espèce, Platyops. Alors, il s'appelle Kenyanthropus Platyops, Anthropus, l'homme du Kenya à face plate. Il a été mis au jour et décrit par l'équipe de Miv Liki et il a été mis au jour sur les bords du lac Turkana au Kenya. Pour certains auteurs, l'holotype, ce crâne, on ne peut pas en tirer de caractère de forme. Et dans ces conditions, l'espèce est non valide. Entre autres, dans les collègues qui ont défendu ce point de vue, l'un d'entre eux est le leader de l'équipe qui a décrit Ardipithecus ramidus, le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley. Il a écrit que cet holotype était IMD. En anglais, c'est-à-dire I expanding, D deformation, M matrix. Expanding deformation matrix. Il fait allusion à l'argile dont je vous parlais et toute cette argile avec tous ces petits bouts d'os ont donné une forme qui n'est pas au crâne, forme qui n'est pas celle du crâne. Il n'a sûrement pas complètement tort. Je ne sais pas s'il a complètement raison. Une autre hypothèse est que cet homme à face plate, eh bien, on en connaît des plus récents. Celui qui a été appelé Homo rudolfensis, qui est un peu plus récent, 2.4, c'est la photo en bas et à gauche. C'est un homme à face plate. Donc, ce rudolfensis, si le kényanthrope est bien une forme à face plate, pourquoi pas, pourrait être le descendant. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que le rudolfensis lui-même n'a pas reçu et n'est pas rentré dans la communauté scientifique de manière consensuelle. Pour certains, c'est un habilis, un homo habilis, tandis que pour d'autres, c'est un australopithèque. Vous voyez si tout ça devient simple. Je ne peux pas, de toute manière, ce matin, ici, vous donner un point de vue qui serait celui qu'on peut considérer comme le plus probable, difficile dans l'état actuel des choses. Ce que je peux faire, c'est vous dire que sûrement, on a été très imprudent d'accepter que l'on crée une nouvelle espèce et un nouveau genre sur un spécimen qui était aussi déformé. Sûrement, il y a là quelque chose il aurait mieux valu essayer d'éviter. C'est fait. C'est fait, et je crois que ce qui m'embête le plus, c'est que personnellement, et je vais vous en parler après, je pense qu'à cette époque-là, il existe des pré-humains, des humains, comme vous voulez, à face plate. Mais je ne sais pas pour le moment si le kényanthrope en est un, compte tenu des déformations de son crâne. Avouez que la situation est bien complexe. Et je pense que, là encore, c'est quelque chose que les jeunes générations devraient prendre en compte. N'essayons pas de créer des situations qui compliquent une histoire qui l'est déjà par elle-même bien suffisamment. Donc, il vaut mieux éviter ce type de complications, parce que là, ce sont des complications qui ont été créées artificiellement. Je viens de vous dire quelque chose que je n'ai pas étayé. Je vous ai dit, je crois qu'il existe des préhumains à face plate. Je crois qu'un de ces préhumains à face plate, c'est ce point tout seul, là, au milieu du désert, au Tchad. ce préhumain-là quand je l'ai trouvé, je voulais lui donner un nouveau nom de genre. Avec un nouveau nom d'espèce. Et puis, on n'avait pas beaucoup de matériel. La partie antérieure d'une mâchoire inférieure. C'était pas beaucoup. Mais c'était la première fois qu'on trouvait des hominidés à l'ouest de la Rift Valley. Par prudence, mais aussi avec le souci que je viens de dire, de ne pas compliquer des choses qui le sont déjà trop souvent. J'ai publié ces restes en nomenclature dite ouverte. Je ne leur ai pas donné de nouveaux noms. C'est une situation très rare chez les hominidés anciens. Très rare pour les raisons que vous connaissez. Il y a une forte demande du monde extérieur, mais aussi du monde intérieur, je parle de la communauté, sur des nouveaux fossiles. Si vous les laissez sans nom, vous allez avoir immédiatement de nombreuses âmes charitables qui vont se précipiter pour les nommer. Et quand vous nommez une pièce, votre nom y reste associé pour l'éternité. Pour l'éternité aussi, si vous vous êtes trompé. Donc j'ai fait le premier pas de ne pas nommer. Et puis, me rendant compte des turbulences qui étaient provoquées, et quand vous travaillez, vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez avec une équipe, et dans l'équipe, ça varie avec le temps, mais à l'époque où ça s'est passé, il y avait des membres de l'équipe qui étaient jeunes depuis plus longtemps que moi et d'autres membres qui étaient jeunes depuis moins longtemps que moi. Et généralement, ceux qui étaient jeunes depuis moins longtemps que moi sont plus pugnaces. Ils viennent vous voir en vous disant « on ne va pas se laisser doubler par l'équipe d'en face ». Mais oui, c'est comme… Attendez. Nous sommes tous des homo sapiens. Et je suis persuadé qu'individuellement, vous avez toutes et tous votre idée sur ce qu'est un homo sapiens. Sur ses qualités, ses défauts, etc., etc. Ben dites-vous bien que les chercheurs, quels qu'ils soient, sont aussi des homo sapiens et que vous allez y retrouver toutes les qualités que je viens d'énumérer avant. À partir de là, les turbulences externes et internes, c'est-à-dire celles dans mon équipe devenant telles, j'ai dit « ok, on publie » et j'ai fait une publication à minima au point de vue des changements. J'ai gardé Australopithèque et j'ai mis une nouvelle espèce. C'était sûrement pas la bonne solution, mais c'est la solution que j'ai adoptée. les solutions à minima sont souvent des compromis qui débouchent sur des problèmes. Plaît, on a gardé Australopithèque et c'est devenu l'Australopithèque du Bahr el-Ghazal, Bahr el-Ghazali. Alors, il y avait une chose positive, c'est que mes amis américains m'ont dit « C'est épouvantable pour nous, on ne peut pas prononcer le nom d'espèce. » Ce à quoi j'ai répondu, ce n'est pas grave, c'est qu'un mot, car je vous entends aussi peu parler le français, pour lequel vous avez sûrement de grosses difficultés. Ce Bahr el-Ghazali du centre de l'Afrique, il a été trouvé là, dans le bassin de Chadia, le bassin du lac Tchad, c'est ce qui est en vert, le point rose, là, ici. Vous voyez, c'est une mâchoire que vous avez déjà vue, avec une belle canine, des belles prémolaires. Et regardez, sur ce scanner horizontal, regardez devant, c'est complètement plat, complètement plat. Complètement. Autre chose, la symphyse mandibulaire, c'est-à-dire cette région-là, est très droite et très verticale en face interne. Alors qu'autrement, vous avez chez des formes comme Apharynxis, vous avez ici un planum qui est incliné vers l'arrière. Depuis, et ce n'est pas publié, c'est toujours en cours d'étude, on a trouvé un morceau de maxillaire. Et c'est clair, c'est plat. C'est plat. Et ça, ce n'est pas déformé. Ce qui est clair aussi, c'est que depuis, on a des datations radiochronologiques. Ceci était une estimation biochronologique. On a des datations à 3,58. C'est-à-dire que c'est une forme quand même plus ancienne que le kényanthrope. Ça veut dire que sûrement, on est là en face d'un hominidé à face plate. On est au centre de l'Afrique. Quels sont ces liens avec un éventuel kényanthrope? Pour le moment, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Sinon que tout cela conduit à se poser la question quelle est l'histoire, quels sont les liens entre ces différents humains à face plate. Regardez ici, sur cette image, à gauche, vous avez la mâchoire de Lucie. Regardez comment elle est convexe vers l'avant, hein. On est très loin de cette platitude ici, vraiment très loin. Alors, moi je fais cette analyse, d'autres font une autre analyse, ils disent mais non. Le Bahr el-Ghazali, c'est un variant de Lucie, c'est-à-dire d'Apharynxis. Peut-être. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en ayant un peu plus de matériel, tout ce que l'on trouve avec Abel, puisqu'on l'a appelé Abel, ce sont des formes qui ont une face plate. Bon. Je pense, là encore, que si, pour mettre un nouveau si, si les conditions géopolitiques permettent dans les années qui viennent de continuer à travailler dans ce secteur du monde, on devrait, à mon sens, pouvoir répondre sous quelques années à cette question. Pour le moment, là encore, il n'y a pas de réponse claire et définitive. Et même s'il vous arrive d'en lire, je pense que celle ou ceux qui écrivent cela ils parlent de leur hypothèse respectable, mais une hypothèse reste une hypothèse. Je vous parlais à l'instant de la symphyse. Voilà la symphyse de la forme tchadienne. Face antérieure, face postérieure, vous voyez, c'est très vertical. Voilà une symphyse de type apharynxis. Là, regardez, c'est beaucoup plus en face interne, c'est complètement différent. Vous avez le foramen Montonnier ici. Bon, ce sont des choses pour lesquelles on ne peut pas à l'heure actuelle. Voilà ce qui veut être une reconstitution. Puisqu'on a le haut. Cette reconstitution est sûrement beaucoup trop prognate ici. Africanus, je vous en ai parlé. Voilà le petit bonhomme. Alors, est-ce que c'est l'ancêtre des Paranthropes ? Du Paranthropus robustus ? Ou est-ce qu'il est l'ancêtre du genre Homo ? C'est la question qui est posée. Là encore, on n'a pas de réponse claire à cette question. Au passage, c'est un enfant qui a sa première molaire en éruption. En âge chimpanzé, ça lui fait 3 ans. En âge humain, ça lui fait 6 ans. Voilà un adulte d'Africanus, Mrs. Pless, qui vient d'un autre site de Sterkfontein. Vous voyez, les Africanus ont un prognatisme très fort, très très fort de la face. Dimorphisme sexuel reste important. Si vous comparez ces Africanus à l'apharynxis, les dents chez l'Africanus sont plus grandes, les canines plus petites, les mâchoires plus fortes, avec forcément des insertions musculaires fortes, et il a une base du crâne plus dérivée. Tout ce qui précède là plaide pour une origine vers le paranthrope, la base du crâne plus dérivée, vous avez là un proconsul qui est un hominoïde non humain, vous voyez cette base du crâne qui est très relevée, chez un apharynxis, vous avez cette base du crâne qui commence à basculer vers l'arrière. Vous voyez que le trait vert ici est beaucoup plus dirigé vers l'arrière et encore beaucoup plus chez Africanus. Chez nous, le trou occipital est complètement sous le crâne. Hein. L'arrière-crâne bascule complètement. Ces africanus sont des mangeurs de graminées qui rajoutent de la viande à leur menu. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2 et 3 millions d'années ? Eh bien, on peut imaginer qu'à la suite, et ça on connaît, d'une altération climatique, vous avez eu quelque chose qui devenait plus froid, plus sec, et c'est une réponse au milieu. Cette réponse au milieu a sûrement été double. On a des formes qui sont adaptées à des milieux très, très ouverts et secs, les paranthropes. D'autres formes qui sont adaptées à des milieux sûrement moins secs, mais aussi ouverts, le genre homo. Vous voyez, voilà cette altération autour de 2005. Vous voyez ici, c'est les mangeurs d'herbes qui vont augmenter. Il y a de plus en plus de milieux ouverts, les milieux s'ouvrent. Ici, c'est la locomotion arboricole. Ben, vous voyez qu'après 2005, il y a une chute importante au niveau des groupes. Ici sont les groupes frugivores, et bien vous voyez que ça va en diminuant aussi. Donc il s'est passé quelque chose entre 2 et 3, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le genre homo. Voilà les trois robustes. Le plus ancien, Ethiopicus, sûrement ancestral de Boisei, d'Afrique du Sud. Pour le robuste, je vous ai dit, ou il dérive d'Ethiopicus, ou il dérive d'Africanus. La certitude est marquée là. Vous voyez, vous les avez tous les trois ici. Vous avez une trichotomie. Le kényanthrope ici, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Le kényanthrope, si je devais le mettre quelque part, je le mettrais pas là. Pas là. Bon. Ça, c'est pour vous montrer l'image, c'est le site où a été trouvé par Mary Leakey, le crâne du Boisei. On est là dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie. Le voilà, ce crâne, reconstruit, et vous voyez qu'il est marqué par le fait que la denture antérieure, canine et incisive, est très, très réduite, avec au contraire une augmentation de la denture postérieure, de la denture gingale, prémolaire et molaire. Ce sont des formes qui ont un dimorphisme sexuel marqué. Ce sont vraiment des formes robustes. L'Ethiopicus, c'est ce qui est appelé dans les livres classiquement, c'est ce que vous voyez comme crâne noir, black skull. Et le Boisei est marqué par une très forte là, arcade zygomatique. L'arcade zygomatique est très forte. Vous remarquerez que sur ces dessins, ils sont indiqués en tant qu'Australopithecus. Je vous ai dit, il n'y a pas une communauté de points de vue. Vous les retrouvez là encore, les trois formes, avec, je vous parlais de des arcades zygomatiques. Regardez la puissance des arcades zygomatiques là sur le côté. Très, très forte. Pour avoir maintenant une idée des rapports de parenté entre le boisillé et le robustus, est-ce qu'il s'agit de deux formes issues de celle-ci, de l'Ethiopicus, ou est-ce que l'Ethiopicus a donné le boisillé et c'est l'Africanus qui a donné le robustus? Eh bien, il faut être capable de discerner les caractères entre boisillé et robustus. Est-ce que c'est une évolution parallèle? Est-ce qu'il y a homoplasie? Ou est-ce que ce sont des caractères qui sont tirés d'une origine commune? Pour le moment, ceci est encore hors de consensus. Ces formes sont associées à des outils et je pense que les paranthropes utilisaient et taillaient des outils. Je ne vois pas pourquoi les paranthropes n'auraient pas taillé d'outils. Voilà ce que je vous disais résumé autrement. Vous avez la pharyncis qui donne l'Africanus, Ethiopicus, Robustus, Boisei, et puis l'Africanus qui donnerait peut-être les homos, ou alors l'autre version, Afarensis, Ethiopicus, Boisei, puis Africanus donne le robuste et pourrait être à l'origine des homos. Pas de consensus, pas de consensus actuel sur cette question. Voilà la galerie de cet ensemble. Et enfin, pour conclure, vous voyez, on revient à ces quatre arbres que je vous ai déjà décrits et pour lesquels il n'y a pas, pour le moment, d'accord au sein de la communauté scientifique internationale. Il n'y a pas d'accord. Alors, ce qui est clair avec ce que l'on a à l'heure actuelle, c'est que ce groupe d'Australopithèques, entre moins 3 et moins 2 millions d'années, au cours d'une altération climatique qui allait vers plus sec, plus ouvert, plus froid, a donné naissance à deux types humains différents, le type Paranthropus, Paranthrope, et le type Homo. On est aux alentours de 2,5 millions d'années. Les Paranthropes vont rester, les derniers vont s'éteindre autour d'un million d'années en Afrique. Les premiers représentants du genre Homo vont être les premiers représentants de la famille humaine à quitter le continent africain. Je vous rappelle que, pour le moment, les plus anciens représentants de notre famille connus hors d'Afrique sont les hommes de Dmanisi, en Géorgie, dans le Caucase, et qu'ils sont datés à 1 800 000 ans. Si vous partez de Toumaï, qui est à 7 millions d'années, si vous imaginez qu'avant Toumaï, il y a eu quelque chose, obligatoirement, peut-être encore un autre million d'années, bien, où ça s'est passé entre 7 et 8 millions d'années, eh bien, jusqu'à 2 millions d'années, on est resté en Afrique. C'est-à-dire que la plus grande partie de notre histoire, nous l'avons passée en Afrique. Pour le moment, ça, c'est la vérité du moment. Ça, c'est ce que nous montre le matériel qui est à notre disposition. À partir de la semaine prochaine, on regardera ce que l'on peut dire, eh bien, sur le genre homo, genre auquel nous appartenons. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.